Contrôle. Souka ti souka. Elle veut plus de moi, donc je dois faire mes affaires. Décidément, je dois garder le contrôle. Et je fais des dégâts, j'ai aucune idée. Si parfois je m'égare, ah, j'ai aucune idée. La seule de mon cœur, elle veut me laisser à terre. Fatalité, ah, elle veut me laisser à terre. C'est fini mon bébé là, faut qu'on y aille. Ah chérie mon bébé là, faut qu'on y aille. Quoi qu'il arrive, il faut que je garde contrôle. Facile à dire, mais il faut que je garde contrôle. Elle est belle et mystique. Elle est belle et mystique. Il faut qu'on garde, il faut qu'on garde contrôle. Tu sais j'ai mal, mais faut qu'on garde contrôle. Je dois faire mes comptes. Suis-je un homme incompris, coupable ou complice? Ce n'est pas une fatalité. Elle est belle et mystique. Elle est belle et mystique. Kinshasa, hi. On doit se dire les choses, même si ça fait mal, yeah, yeah. Se dire les choses, même si ça fait mal, yeah, yeah. Zéla, Zélanga, Zéla, bébé Zélanga. Deux fois t'es jalouse, deux fois t'es mimi, yeah. Deux fois t'es jalouse, jamais t'es mimique. Ce monde est à nous, pourquoi polémique? Dis-moi tu vas où, viens dans mes bras, yeah, yeah. Les lilés, faut que j'atterrisse, fais-moi bisou bisou. Faut que j'atterrisse, fais-moi bisou bisou.